je suis toujours resté le même. Pour ceux qui disaient que je me suis éloigné, tu es rapide. Je l'ai déjà dit dans ma